qu'il vient d'être heureux. Quand je viens d'être aimé, le corps tout vaporeux et le cœur enfumé. Quand on vient d'être heureux, je voudrais tout à coup avoir autour et du cou toutes les étoiles du ciel pour lui sembler si belle qu'il ait les larmes aux yeux. Quand on vient d'être heureux, quand on vient d'être heureux, quand on vient d'être heureux. Ça joue sur mon épaule. Il est doux, il est drôle. On rit bien tous les deux. Quand on vient d'être heureux, quand on peut oublier.